L'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le 29 juin sa décision numéro 5 de la constitution du Comité pour la réunification pacifique de la patrie de la République populaire démocratique de Corée. La décision note que suivant l'aspiration de toute la nation à la réunification, l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée met sur pied le Comité pour la réunification pacifique de la patrie à la place du secrétariat du Comité pour la réunification pacifique de la patrie pour appliquer à fond les lignes et orientations originales en matière de réunification de la patrie avancées au 7e congrès du Parti du Travail de Corée et livrer dynamiquement la lutte sacrée afin de modeler le destin indépendant de la nation et de créer un avenir radieux de la prospérité et de la réunification.